Dans le passé, j'ai fait confiance. Et très souvent, j'ai été déçu. Mais comme un con, je recommence. Pour être une nouvelle fois déçu, je me torture l'esprit pour des gens qui n'en valent pas la peine. Crois-tu que j'ai appris ça? Non, car c'est toujours la même. J'en ai assez, là c'est tout. Oui, assez, là c'est tout pour moi. Assez, là c'est tout pour moi. Assez, là c'est tout. J'en ai assez, là c'est tout pour moi. Assez, là c'est tout. C'est tout pour moi, assez, là c'est tout pour moi, assez, là c'est tout, j'en ai assez, là c'est tout pour moi, assez, là c'est tout pour moi. Quand les gens me déçoivent, c'est moi qui me remets en question. Quand les gens me déçoivent, c'est moi qui. Quand les gens me déçoivent, c'est moi qui me remets en question. Quand les gens me déçoivent, c'est moi qui. Parfois je ne vous comprends pas. Vous trahissez plus que de raison. Parfois je ne vous comprends pas. Vous changez d'humeur comme les quatre saisons. Mais t'as fait du mal, tu le paieras tôt ou tard. T'as fait du mal, tu le paieras tôt ou tard. T'as fait du mal, tu le paieras tôt ou tard. Le karma, le karma, le karma te rattrapera. Tu le paieras tôt ou tard. T'as fait du mal, tu le paieras tôt ou tard. T'as fait du mal, tu le paieras tôt ou tard. Le karma, le karma, le karma te rattrapera. Et j'en ai assez, là c'est tout. Oui, assez, là